Chapitre 7 L'appel du cœur. Ça ne te dit donc plus rien, vieux Denis ? À l'extrême coupure de la falaise qui sépare la pointe des pois du Grand Daouet, le tas de pois le plus rapproché de la côte, Hervé Morvan se redresse. Tout courbaturé de la longue station faite à l'affût du renard, l'insolent qui, depuis quelque temps, dévore chaque nuit les poules du gardien du sémaphore. Son fusil couché sur le bras gauche, il montre de la main droite à son compagnon de chasse, Denis le Marec, l'espace illimité étendu devant eux. L'autre tressaille, secoue l'engourdissement qui lui lie les membres et, relevant le canon de son arme, regarde, pris à l'improviste en pleine songerie. Ses yeux, abandonnant comme à regret la découpure nette du cap de la chèvre, profilé sur sa gauche, se reportent en face de lui au loin. Le vent vient du nord, et les nuages s'envolent par lourds paquets, ballots d'étoupes grises de coton blanc roulés en boule, projetés en mille formes étranges et capricieuses. Bleu, mais d'un bleu qui s'ardoise, avec des myriades de facettes sur la moire de ses vagues, la mer s'étend du goulet de Brest, de la baie de Douarnenez, de partout, vers l'ouest, vers l'infini. Comme c'est le matin, que la marée est propice, que la brise donne à souhait, sur cette immensité remuante, toute soulevée d'un soupir énorme qui vient mourir le long des falaises en une sorte de râle jouisseur, le râle d'un plaisir sauvage, d'une volupté incessante et mystérieuse, les barques de pêche se suivent, leurs voiles brunes et rectangulaires gonflées de vent, dans une neige d'écume qui laisse derrière chacune d'elles deux traînées luisantes, deux sillons de vif argent. En face de l'horizon, la ligne nette qui coupe le ciel et cache le mystère des pays lointains. Denis, remué par la question de son camarade, emplit ses prunelles de ce réveil de la mer, de ce mouvement des lames, de cette course des barques, y cherchant les émotions autrefois ressenties, les appels irrésistibles auxquels il avait l'habitude de céder, d'obéir sans jamais se défendre. Toutes les petites barques, elles piquent droit sur ce mystère, comme si elles voulaient le connaître, aller le chercher. Elles luttent de vitesse, se rejoignent, se dépassent. Bientôt, elles ne sont plus qu'un point dans le miroitement de l'Atlantique, un pauvre petit bout de toile qui se dresse comme un signal désespéré. On croit qu'elles vont s'engloutir pour toujours, ne reparaître jamais tant elles s'éloignent, s'effacent, s'enfoncent dans cet insondable océan. Peu à peu, le marin se sent ressaisir, emporter avec elle. Mais aucune ne va au-delà d'un certain point, comme en un renoncement de savoir l'énigme, trop éloigné, trop caché, impossible. Et Denis, dans son cœur, éprouve le même secret renoncement. Il secoue la tête, se débat, et, d'un furtif, d'un rapide regard presque involontaire, il enveloppe la silhouette connue de la bande là-bas, entre Crozon et le cap de la chèvre. Hervé a saisi ce geste et, baissant la tête, murmure d'un ton de contentement étouffé « Ça ne te dit rien, je le vois bien, parce que, est-ce que, furtivement lui aussi, il a regardé à gauche dans la même direction, d'un air approbateur, paraissant comprendre pourquoi son ami semble à présent si peu pressé de reprendre la mer, pourquoi, invariablement, ses yeux sont rivés à cette même étroite pointe de terre désolée et qui allonge son triangle sauvage entre l'anse de Dinan et la baie de Douarnenez. Jamais, en effet, Denis le Marec n'avait ressenti à se retrouver à Camaret, au milieu des siens, en journalier contact avec son oncle, avec ses amis, la plénitude de joie qu'il éprouvait, depuis le jour de brume, le jour presque sinistre où la Croix du Sud l'avait ramené à Camaret. Toujours, au retour de ses autres voyages, après quelques jours de rapatriement, son âme était presque immédiatement reprise de l'âpre et dévorante nostalgie des longues courses aventureuses, et au bout d'une semaine, il commençait à contempler d'un œil d'envie les grands bâtiments sortant de Brest, franchissant le Goulet, pour se lancer dans l'immensité de l'Atlantique vers les régions invisibles. Alors, aucune prière, aucun motif n'avait pu le retenir. Cette fois, rien de pareil, aucune hâte de repartir, aucune soif de nouveaux voyages au long cours, de ces voyages dont on ne sait jamais si on reviendra. Au contraire, une certaine aise paresseuse à vivre paisiblement de la vie placide et monotone qui lui apportait des journées toutes semblables, des nuits calmes, sans aucune des angoisses, sans aucun des dangers, des bouleversements de son existence mouvementée d'autrefois. S'il eût été d'esprit analytique, de cerveau à pouvoir remarquer dès le début cette transformation et à s'en préoccuper, il eût, sans nul doute, cherché à s'expliquer cet état si particulier, si anormal surtout, de son âme, à en discerner les secrètes raisons. Mais d'intelligence plutôt indolente et contemplative, il se laissait vivre, sans même se rendre exactement compte du changement, sans inquiétude sur lui-même, comme s'il eût toujours vécu ainsi. 2 années n'avaient pas amené de grands bouleversements dans ce petit port de Camaret, et, à part 2 ou 3 absents, il retrouvait tous ceux qu'il avait connus, tous ceux qu'il aimait. Son existence se partageait entre la cure, où il se sentait enveloppé d'affection, de soins, par son oncle, par la vieille Marie-Anne, par le vicaire Jacques Louarne, dont la faible santé appelait sa sympathie d'être robuste, et les flâneries sur le quai à la pêche, avec ses bons compagnons, les pêcheurs Sylvestric Kervarec, Corentin Garec, le patron Bozanec, le mareyeur Balanec, le douanier Matelot Kergal, les meilleurs de toute cette brave et rude population camarétoise. Mais son préféré, celui de tous qu'il avait revu avec le plus de plaisir, c'était un fidèle et dévoué camarade de jeu d'autrefois, son ami d'enfance, son matelot, du même âge que lui à peu près, Hervé Morvan, revenu seulement du service depuis 1 an, médaillé du Tonkin et de Madagascar, avec le grade de second maître, à présent contre-maître dans une des usines à sardines de Camaret. C'était un chasseur enragé avec lequel autrefois, avant ses longs voyages, il courait les landes et les brousses à la poursuite des lièvres, des lapins, des perdrix. Les grèves et les marais, entre autres l'étang de Kerlk, à l'affût des bécassines, canards sauvages et autres gibiers d'eau. Morvan et lui, au temps de leur enfance, faisaient la paire de guélurons, vagabondant sans cesse, toujours en parties et en promenades. Depuis son dernier retour à Camaret, lorsque, à ses débarquements précédents, personne de ses amis ne parvenait à le retenir, il parut qu'il se fût repris de vive amitié pour le joyeux camarade, soudain retrouvé et dont il avait été si longtemps séparé. On ne cessa plus de les voir ensemble, toutes les fois que, l'ouvrage ne pressant pas à la friture, le contremaître était libre. Tantôt, il se promenait sur le quai, sur la jetée autour de la chapelle, du fortin de Vauban. Tantôt, il partait, fusil sous le bras, pour des excursions sans fin, sous prétexte d'oiseaux de mer à chasser, de renards à détruire. Et, tour à tour, de la pointe du Toulinguet à la pointe des Pois, de la pointe de la Tavelle à celle de Dinan et au cap de la Chèvre, on eût pu signaler leur présence dans toutes les parties de la presqu'île. Dans les premiers temps, Hervé Morvan, très naturellement, comme tous leurs camarades du reste, avait cru à une véritable passion de Denis le Marec pour la chasse, pour les continuels déplacements, par horreur de l'oisiveté forcée de la vie qu'il était obligé de mener chez son oncle. Mais assez vite, il avait pu constater que ce compagnon de chasse n'était pas un chasseur bien ardent, et qu'il se lassait très rapidement de poursuivre le gibier dès qu'il avait dépassé certaines limites ou quand la direction de leur promenade ne les conduisait pas dans le voisinage de la baie de Douarnenez. Puis, autre chose avait éveillé sa curiosité, c'étaient les incessantes questions de son ami sur le Reboutou. Que lui prenait-il donc de tant s'intéresser à ce berger, à sa manière de vivre, aux endroits qu'il fréquentait de préférence, à tout ce qui, de près ou de loin, pouvait le toucher? Jusqu'à ce jour, très docilement, et autant que c'était en son pouvoir, car il ne connaissait nullement Gualaine, il avait répondu plus ou moins bien à toutes les questions, sans chercher à en savoir davantage. Mais, de plus en plus dévoré par un ardent besoin de connaître toute la vérité, à cause de certains secrets que lui-même gardait au fond du cœur et qui lui laissaient de moins en moins de repos, il s'était toujours réservé de se rattraper, à l'occasion, de sa trop longue discrétion et de questionner à son tour le Marek sur le sujet qui le préoccupait lui-même. Après avoir pendant quelques instants examiné son compagnon, le contremaître, déposant son fusil dans une anfractuosité près du canon du sémaphore, vint saisir les mains de Denis entre les siennes, comme pour lui enlever toute possibilité de lui échapper, et fit brusquement. « Veux-tu que je t'explique, moi, pourquoi la mère ne te dit plus rien, hein ?» Le Marek eut un mouvement involontaire pour fuir, se dégager. Ses prunelles si franches d'habitude se voilèrent légèrement. Il eut un effort visible pour sourire, balbutiant sans conviction. « Si ça peut te faire plaisir, va tout de même, on verra. » Morvan poursuivit, ses yeux le fouillant à fond d'âme. « Parce que, quand on est un honnête homme, un brave et loyal garçon comme toi, on ne peut pas avoir deux amoureuses à la fois. » Denis essaya de rire. « Deux amoureuses, moi ? Comme tu y vas !» Mais l'autre, résolu à aller jusqu'au bout, continua. « Et que ton amoureuse, la vraie, celle qui l'emportait autrefois sur toutes, eh bien, celle-là, tu ne l'aimes plus. » Le jeune homme dégagea ses mains d'un geste sec, comme pour arrêter les mots que son camarade allait prononcer, et railla. « J'avais donc une amoureuse ? Ha ha ! Je ne m'en doutais guère, et tu ?» « Oui, oui, ne te moque pas, tu n'en as nulle envie. Jusqu'à ce jour, jusqu'à ton retour, ton amoureuse, celle que tu aimais tant que tu quittais tout pour courir à elle et que rien de rien ne pouvait te retenir quand une fois elle t'avait fait signe, on t'avait jasé à l'oreille sa chanson d'amour, c'était la mer. » D'un grand geste large, il enveloppait l'Atlantique, semblant l'appeler en témoignage, la prendre, l'étaler sous les yeux de Denis comme une preuve vivante, irréfutable. À un léger froncement de sourcils de Lemarec, il objecta. « Oh, ne va pas dire. Tiens, tout à l'heure encore, elle te faisait sa mine d'enjôleuse pour te ressaisir, pour t'arracher à l'autre, à celle qui te vole à elle. Mais elle n'a pas été la plus forte. Ah non, tu l'as longuement regardée. J'ai vu tes prunelles luire sur elle. » Elle a bien pu croire un moment que ses doux yeux, que sa voix de caresse reprenait ton cœur. Il me semblait l'en entendre rugir de joie là au-dessous de nous. Non, non, c'est fini. Et l'autre, l'autre. » Il hésitait, ayant baissé brusquement la tête dans l'indécision des paroles qu'il devait lancer, la gorge étreinte par une émotion terrible, ne pouvant plus, n'osant plus achever. L'autre avait seulement murmuré Denis, regardant son compagnon et n'achevant pas lui non plus. Morvan détournait la tête. C'était lui maintenant dont les yeux vacillants flottaient, ne parvenant pas à se fixer sur le visage de celui qui l'interrogeait. Dans sa poitrine, son cœur battait à coups sourds, prolongés. Ce fut enfin d'une voix toute changée, lourde d'angoisse, presque étouffée par la plus horrible anxiété qu'il reprit. « Ah ! Si je pouvais ne pas me tromper, si j'avais deviné juste, mais... Ah, tiens, je t'aime beaucoup, le Marek. Tu es certainement mon meilleur ami, mon vrai camarade de cœur, mon matelot entre les matelots, quoi, et de t'avoir revu, ça m'a fait grande joie. Pourtant, j'étais plus heureux avant ton retour. Ce que je souffre depuis que tu es là, que tous les jours je te vois avec. Ah, tu ne peux pas savoir. » Des sanglots s'étranglaient dans son gosier à mesure qu'il parlait. Il dut s'arrêter, suffoqué, bouleversé de douleur, le visage décomposé, incapable de s'expliquer davantage. Instinctivement ému, Denis l'écoutait avec stupeur, ne comprenant pas, et il fit un pas en avant, les bras tendus vers lui, prêt à questionner, à parler. Hervé l'arrêta de la main, implorant. « Non, par pitié, pas encore, ne dis rien. Il vaudrait peut-être mieux pour moi ne pas savoir. Ah, ce que je souffre! Je l'aime plus que tout, plus que ma vie, et si le malheur voulait... Oh, toi, mon ami, mon frère! Non, non, vois-tu, ce serait la mort !» Profondément troublé lui-même, le Marek attendait, anxieux, croyant deviner ce que voulait dire Morvan, mais ne sachant comment s'y prendre pour faire cesser cette incertitude, et se trouvant pour la première fois mis en face de cette réalité, de ce fait, qu'il n'avait pas encore osé s'avouer son amour. Il n'avait pris aucune décision quand Hervé, la parole tremblante, désignant tour à tour Camaret, dont on apercevait les toits, au-delà de l'Agatiar, et le lointain cap de la chèvre, questionna. « Ton cœur est-il ici ou là-bas ?» Un flot de sang sauta au visage du marin. Mais, sans qu'il eût besoin de répondre, d'un mouvement impulsif irrésistible, ses yeux, son visage, son être tout entier se tournèrent vers le sud, dans la direction de Douarnenez, de Crozon, de la pointe escarpée. L'autre, éperdu de joie, transfiguré d'espérance neuve, ressuscité, fit ardemment. « C'est donc Faïk ? Faïk Gualen ?» Il répéta encore, une surprise dans l'intonation. « Faïk ? La fille du Rebutu ? Est-ce possible ?» Il n'osait le croire, ne pouvait le comprendre, dans l'aveuglant éblouissement du bonheur, de ce bonheur dont il avait un instant désespéré. Il fallut que Denis annonçât à haute voix, incapable de nier, de se taire désormais, en une explosion joyeuse, « C'est Faïk !» Alors, se rapprochant de son ami, comme s'il eût craint d'être entendu même des oiseaux de mer qui voletaient par centaines autour des tas de pois, et dont les cris aigres faisaient au-dessus de leur tête une rumeur sauvage et continue, Hervé Morvan raconta comment, depuis près d'une année, depuis qu'il était rentré du service, il s'était pris d'amour pour la fille de Balanec. Sans qu'aucun engagement eût jamais été arrêté entre eux, sans qu'il y eût aucune promesse échangée, il avait cependant cru comprendre, à certains indices, que son amour avait été deviné et qu'il était en droit d'espérer. Aussi, lorsqu'il avait vu arriver le Marek, qu'il avait remarqué ses assiduités chez le mareyeur, le bon accueil qu'on lui faisait, il avait pensé que peut-être son ami, frappé par la beauté de Rennes, était attiré par elle lui aussi, avec l'immense avantage sur tous les autres soupirants d'être son camarade d'enfance et qu'il formait le projet de l'épouser. Sans doute, il avait pu constater combien le marin semblait curieux de tout ce qui avait rapport à ce Rebutu, combien il était préoccupé par l'existence de l'homme du Cap de la Chèvre, de quelle étrange façon il était séduit par ce pays de misère et de sauvagerie dont on s'éloignait d'habitude. Cela, joint à cette circonstance d'avoir sauvé la vie de la jeune fille, lui avait bien donné quelques premiers soupçons relativement à Geneviève Gualen, mais tant qu'il ne l'avait pas tenu de la bouche même de son camarade, il ne pouvait se persuader que Denis aimât véritablement la fille du Rebutu, tellement cela lui paraissait inadmissible, presque monstrueux. Sa propre passion pour Reine Balanec l'aveuglait à un point tel qu'il admettait difficilement qu'on pût la voir, la fréquenter sans l'aimer et, surtout, après l'avoir vue, après avoir comparé pouvoir lui préférer une autre fille, si jolie, si séduisante qu'elle fût. Aussi, une fois rassuré sur lui-même, une fois persuadé, son premier mouvement, son premier cri furent pour plaindre son ami. « La fille du Rebutu ! Mais mon pauvre Denis, que Que dira ton oncle quand il saura ? Le Marek haussa lentement les épaules, murmurant. Il ne sait pas, personne ne sait. Et, souriant, ainsi moi-même, tout à l'heure encore, je ne savais pas. C'est si étrange ce qui m'arrive là, si inattendu. Depuis que je suis revenu, c'est toujours comme des brumes qui me flottent dans la tête, dans le cœur. Je suis triste et joyeuse à la fois, sans savoir pourquoi. Ah bien, si on m'avait jamais dit. Hervé insista. Tu aimes, voilà tout, et tu aimes cette fille de là-bas. C'est ça qui est grave, et ton oncle. Et que veux-tu qu'il dise ? Que peut lui faire, je te le demande, que j'aime celle-ci ou celle-là ? Oh diable, une mauvaise affaire qui t'arrive là tout de même. Ce sera dur, va, car le recteur ne l'aime guère, le reboutou. Autant dire le diable pour lui. J'ai l'habitude des tempêtes, tu sais, riposta le jeune homme d'un air d'insouciance. Une de plus ou de moins, ce n'est pas pour me faire peur. Et quand on est revenu d'où je suis déjà revenu, eh bien, on peut tout affronter. Il y a tempête et tempête, mais là, vrai, se heurter à l'abbé Pierre Kerbiriou, c'est pire que d'aller dans les pierres noires d'une mer démontée, assura Hervé. Denis posa la main sur l'épaule de son ami. Écoute, à mon avant-dernier voyage, tu n'étais pas là, quand j'ai pris ce trois-mâts qui devait me conduire au Congo. La dorade qu'on appelait, hein ? On m'a vaguement parlé de cela. Oui, eh bien, au départ, on disait, tellement il était usé et en mauvais état, jamais ce bateau n'ira jusque-là. J'étais dessus comme second. Dame, si je me souviens bien de cette dorade, elle était déjà pas mal vieille de mon temps, à moitié pourrie, qu'on prétendait. Ainsi, je suis parti tout de même, n'est-ce pas, de Camaret à Marseille, et de Marseille au Congo. Alors, par une mer d'huile, en plein large, sans avoir touché, ma dorade fait eau et coule. Nous avons eu juste le temps de sauter dans une chaloupe, d'y entasser en toute hâte quelques vivres et d'y descendre une barrique d'eau. Puis on coupe le câble pour s'éloigner au plus vite et ne pas être entraîné dans l'aspiration du remous. Toujours ma chance, voilà que la rupture du câble cause une telle secousse que la bonde du tonneau d'eau qui avait été maladroitement placée en dessous dans la précipitation part et que toute l'eau se perd. Nous n'étions pas à 300 mètres que le trois-mâts disparaissait. Nous voilà donc en pleine mer, sans une goutte d'eau, ayant seulement à manger. Cela a duré 3 jours et 3 nuits, mon bon, pendant lesquels le capitaine et moi, tout le temps, nous avons eu les mains dans nos poches sur les crosses de nos pistolets pour maintenir les matelots affolés par la privation d'eau. Après tant de misère, nous arrivons à un port anglais où on refuse de nous laisser débarquer, sous prétexte qu'on ne savait pas si nous provenions d'un navire sain. Enfin, à la suite d'un tas de pourparlers, d'explications, on a consenti à nous prendre sur un bateau qui nous a rapatriés directement en France. Est-ce que, 15 jours plus tard, je n'étais pas de noces à Camaret, en redingote et en chapeau de soie, tout comme si je revenais seulement de faire une promenade d'agrément à Brest ou aux environs ? Morvan approuva. « Tu en es bien capable, tel que je te connais. » Hanté par les souvenirs de cette vie aventureuse, Denis continua. « Tiens, la même année, je faisais encore naufrage, sur les côtes d'Angleterre cette fois, et de tout l'équipage, je me sauvais seul avec le mousse. Un bon petit diable, celui-là, je lui dois la vie. Oui, nous avons nagé pendant 3 heures de temps, et ce que ça semblait long. À un moment, en ayant assez, aveuglé d'écume, harassé, n'espérant plus rien, je voulais me laisser couler pour en finir tout de suite. C'est lui qui m'a remonté, qui m'a rendu courage, le brave moussaillon. Nous avons fini par aborder dans les roches. Les Anglais nous ont recueillis, soignés, donnés jusqu'à leurs propres vêtements. On m'a raconté que tu les avais encore en arrivant à Camaret, tes habits d'Anglais, même que tu étais tout perdu dedans, tellement ils étaient larges et grands. Tu vois si je te dis la vérité. Eh bien, mon Hervé, quand on est passé par tout cela et qu'on en est revenu, quand on ne s'est pas plus effarouché que je ne l'ai fait parce que, après tout, c'est tout simple et qu'on est marin pour cela, n'est-il pas vrai ? Quand on a tant de foi et si complètement risquer sa peau un peu partout, on est de taille à affronter les tempêtes de terre, bien moins dangereuses que celles de mer, et on en triomphera, vois-tu, comme on a triomphé des autres, foi de Breton !» Une flamme décidée et hardie éclairait ses yeux. Morvan, bien qu'il eût souri, eut une moue de doute. Tout de même, ce reboutou, c'est pas la même chose. Il y en a tant qui ont sur lui de mauvaises idées. Faudrait voir. Le Marek décida. C'est tout vu. Je suis sûr que c'est un excellent homme, moi, et j'espère bien le prouver. Oh, on m'écoutera, tu verras. On a sur lui des idées, de vieilles idées sans doute. J'en ai aussi, mais d'autres. Ce ne serait pas la peine de voyager si, au retour, on ne devait pas rapporter de nouvelles idées sur les choses et sur les hommes. J'en ai vu de toutes les couleurs de ces sornettes qu'on débite sur les gens, dans tous les pays. Celles de par ici ne me font pas peur. » Peu à peu, la parole solide, ardente de Denis faisait impression sur Hervé, le persuadant et lui donnant en même temps une certaine admiration pour son ami. Ce jour-là, après avoir inutilement guetté le renard, qui resta terré sur le grand Daouet, et flaira de loin les chasseurs, ils revinrent tous deux à Camaret, heureux de ne plus sentir de secret entre eux. Morvan, encore plus dévoué qu'auparavant à son camarade, était d'autant plus décidé à l'aider, dans la mesure de ses moyens, qu'il y allait de son propre bonheur et que, Denis épousant Geneviève Goualaine, personne ne lui disputerait plus, à lui, la main de Reine Balanec.